Le son du timbre dans le vestibule lui fit tout à coup froncer le sourcil. Quelques secondes après, la porte s'ouvrit et un domestique introduisit Monsieur de Montédin. « J'ai su par Morescan que vous restiez chez vous ce soir, et je me suis hasardé. »« C'est aimable, chauffez-vous donc. » Un coup d'œil avait suffi à Monsieur de Montédin pour constater que Jeanne venait de pleurer. Ce n'était pas la première fois de sa vie qu'il surprenait un symptôme de ce genre chez une jeune femme abandonnée de son mari, et il avait coutume, non sans raison, d'en tirer un augure favorable à ses prétentions personnelles. Il se trouvait précisément que le baron de Morescan, désertant le corps de ballet, venait d'afficher sa liaison avec une écuyère américaine, Diana Gray, dont l'apparition au cirque d'hiver avait été un des événements de la saison. On la voyait, depuis quelques jours, conduire dans l'allée des acacias une paire de chevaux noirs dont personne n'ignorait la provenance. Monsieur de Montélin eut tout lieu de penser que cette circonstance n'était pas sans quelque rapport secret avec les dispositions mélancoliques où il rencontrait Madame de Morescan. Le sobriquet grotesque dont Jacques Delerne avait affublé M. de Montélin a pu jeter sur ce personnage, aux yeux du lecteur, une teinte de ridicule qu'il ne justifiait nullement. C'était en réalité un séducteur fort sérieux et fort dangereux. Il avait auprès des femmes le prestige singulier des hommes à bonne fortune, et il leur paraissait plus honorable d'être déshonoré par lui que par un autre. Il était bien fait, de haute mine et brave. Sans avoir ce qu'on appelle de l'esprit, il avait, à force d'application et de goût pour son métier, acquis une habileté redoutable à deviner les occasions et à les saisir. Il savait mieux que personne qu'il y a, dans la vie des femmes, des heures d'énervement et de dépression morale, des heures, pour ainsi dire, sans défense, dont un homme pénétrant et hardi peut tirer de terribles avantages. C'est ainsi qu'on s'explique d'ailleurs que des femmes distinguées deviennent quelquefois la proie de la plus vulgaire galanterie. Monsieur de Montélin, dans sa stratégie savante autour de Madame de Morescan, attendait depuis longtemps cette heure fatale avec une patience et une assiduité félines. Il jugea qu'elle était arrivée. Après quelques minutes d'une conversation banale à laquelle Madame de Morescan prenait une part distraite et languissante, il rapprocha sa chaise de la causeuse où elle était étendue. « Vous m'écoutez à peine, » dit-il. « Qu'avez-vous donc ?»« Rien. »« Vous avez pleuré ?»« C'est possible. » « Ne suis-je pas un assez vieil ami pour recevoir la confidence de vos chagrins ?»« Je n'ai pas de chagrin. Je ne sais pas ce que j'ai. » Il lui prit doucement les mains et s'approcha plus près, en la regardant fixement dans les yeux. « Ma pauvre enfant, » dit-il à demi-voix, « si vous saviez comme je vous aime !» Elle sentit que le bras de Monsieur de Montélin l'enlaçait. Elle parut s'éveiller d'un songe, se dressa et le repoussant brusquement, « Ah, mon pauvre monsieur » s'écria-t-elle. « Si vous saviez comme vous tombez mal !» Il n'y avait pas à se méprendre sur l'accent de sa voix ni sur l'expression de son visage. Le sentiment qui l'animait était clairement celui du dédain le plus froid et le plus impitoyable. Monsieur de Montélin dut reconnaître que pour cette fois, son flair avait été en défaut. Il ne lui restait qu'à faire une retraite honorable. « Je crois, dit-il avec hauteur, que le comte de Lerne sort d'ici. Allons, il prend sa revanche. C'est de bonne guerre. » Il saisit son chapeau, s'inclina profondément et gagna la porte. Jeanne, demeurée seule, se rendit compte pour la première fois du danger réel et odieux qu'elle avait couru presque inconsciemment. Elle sentit que, quelques jours, quelques heures peut-être auparavant, par découragement, par insouciance d'elle-même, elle eût pu devenir, sans amour, sans amitié, sans excuse, la victime inerte et stupide d'un plat libertin. Elle sentit combien elle avait été près de ce misérable abîme, et combien tout à coup elle en était loin. Elle comprit alors que les larmes qu'elle venait de verser étaient des larmes heureuses. Prise d'une sorte de transport joyeux, la chère créature repoussa soudain de ses deux mains sur son front la masse épaisse de ses cheveux et murmura « Je suis sauvée !»